mélange ma lyrique alturie à la puissance sonore. Transforme la musique en or, j'en place une pour la hors d'or. J'honore la tradition, le rap ma passion. Pas de limite, pas de cloison pour stopper mon inspiration. Garçon, désormais c'est dans mes gènes, ça coule dans mes veines. C'est qui pire, j'ai la dégaine dans l'ADN. Putain que technique parfaite, ma comment je maîtrise la lettre. Si je commence à dealer mes phrases tous les jours, les kids m'arrêtent. Et tous ces pédés, faut qu'ils admettent que ça pète, qu'ils arrêtent. Toutes leurs conneries, elles se préparent à disparaître. Les jaloux te visent, visent, c'est lui qui te vise, réalise. Depuis tout petit, je glisse mon matafix. Et si je fixe comme l'éclipse, il faut que je m'éclipse. Car la maîtrise de la acquise sur le banquise, un homme sans culture, c'est comme un enfant sans racine. Rien me fascine, c'est difficile, je suis identifié dans ce monde falsifié. Sans faire l'unique, il faut se fier et pas dévier dans quelconque regret. C'est la foi qui doit être concrète, chacun dans sa propre prophétie. Malgré ce défi, c'est progrès pour vaincre tous ces méfaits et leurs effets. J'ai commis tant de tic-tac dans ma tête. Je ne me sens pas maniaque, schizophrène dans mes textes. Et tout à la pète, mec, t'es bête, laisse-nous faire la tête. Dès qu'il m'a tout pété la tête, tout de tranche à la machette. Un big deep flow, wow, qui manie les mots, wow. Mettez les mains dans mes poids, dans leur long micro. Dans les dents et fer, soudé dans les sons, dans les ambitions. Plus fort que tous armés de munitions. Yes, camouflage, armé d'un stylo, je mitraille une page. Si sauvage, comme une trompon, toute la place. Sors la Winnie Pass. Son niveau au max, maintenant trop pétasse. Fixe tes yeux sur nous. Faut donc comprendre la marche dans ce nest. Sans stress, la base est installée. Tu veux le bouquet, le bordel, on vient attirer. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait. Tout comme sur la SP, il faut que tu donnes du respect. Au vis des sommets fous, trop fous, c'est ceux qui veulent nous tester. C'est comme ça, c'est que ça se quitte de base. Faut pas que tu crois qu'on fait les choses à moitié, c'est la putain de base. On reste soudés, soudés comme des francs-maçons. On a tout fait, pas de lâche dans ma formation. Je force mon flingue et charge ma munition. Rien ne stoppe sur ma mission. Toujours par le cours, écarte de la punition. Je finis ça, tout comme tout pénètre sale. Des mecs très sales, Belex, sinon on va te mettre des balles. Bam, bam, bam, bam. Vas-y, prépare les plans. La base, la base. Voyage de ville en ville, de ville en ville, mon frère. On propage notre message. Ouais, ouais. Non, c'est. Skills camouflage. Yeah.